Hein, quoi, comment ça? Pathologie rendrait-il hommage à Morbid Angel avec ce morceau? Qui l'eût cru, toi? On attaque l'aspect française tout de suite maintenant avec le petit All Star Band Profanation, avec que des beaux morceaux dedans. Hein. On a des membres de Regarde les hommes tomber, on a des membres de Destroyer 666, on a des membres de Executor et des membres de Venefiction. Voilà, un beau petit line-up qui nous fait du Death Grind un peu. Un peu beaucoup old school hein, à la sauce d'un Terrorizer. Un premier EP d'une vingtaine de minutes vient de démouler chez Iron Bonehead. C'est super. C'est super plaisant à s'écouter, c'est gras, c'est old school. Ça s'appelle Skull Crushing Violence, on s'écoutera le titre Modern Sickness. En doublette Obscurité, un projet solo de Black qui nous vient du Mans. Quatrième effort studio hein, de Obscurité, toujours très généreux, hein, cet Epic Black très français, plus de 50 minutes de musique. Et on s'écoutera donc le titre Dans l'infinité d'une forêt diaphane, extrait de l'album L'énergie noire et l'émission luminifère. Pas de doute, c'est du Black français. Yeah. On continue dans l'aspect française avec du coup des groupes qu'on vous a déjà présentés récemment, Contrefeu et Dépressive Witches. Alors Contrefeu, c'est un groupe qui nous vient de Bordeaux, qui nous fait du screamo post-hardcore, un petit peu dans la lignée d'un Birds in Row, avec des textes en français, des titres assez courts et très viscéraux, hein, c'est très expressif dans leur registre. L'EP s'appelle La Morsure, on s'écoutera le titre de l'EP. Contrefeu, c'est pas forcément un registre qu'on diffuse énormément, mais ça passe très bien dans l'émission. Et puis ensuite, on aura Dépressive Witches, un groupe de black and roll qui nous vient de Picardie, qui était passé, je crois, à Tours l'année dernière, et qui vient déjà de sortir un troisième album, Lost, Forgotten and Heartbroken. Alors, c'est un black and roll au sens très large, parce qu'il y a des influences punk, heavy metal. C'est sympa, hein, ça rappelle un petit peu ce que peut faire un Immortal en version plus rock'n'roll, mais voilà, c'est assez basique, mais ça reste quand même assez riche et varié pour pas non plus trop s'ennuyer. Et on s'écoutera le morceau, je crois que ça va être Alcoholic Forest, un truc comme ça. Donc voilà, ça montre bien l'état d'esprit de Dépressive Witches. Allez, c'est parti pour l'écoute. We'll be right back. Toujours dans l'aspect française de l'émission Le Banger de ce soir, on s'approche tranquillement des 22h30 et on va s'envoyer une doublette de nouveautés dans l'aspect hexagonal. Mandibula tout d'abord. Une doublette bien sale et violente, placée sous le signe du death metal avec Mandibula. Alors, un groupe français, apparemment les membres nous viennent d'un petit peu partout en France, et des gars plutôt expérimentés mais pas forcément dans des groupes qu'on connaît. Là ils nous font un death assez crade, hein, d'inspiration cannibale et plus récemment un 200 Stab Wounds. C'est vraiment dans cette espèce de vague death cradin, groovy, enfin voilà, c'est plutôt efficace. C'est un premier album qui s'appelle Self Devourment, qui est assez court. Il doit faire 20 minutes, 7 morceaux 20 minutes, donc ça va vraiment à l'essentiel. Et on s'écoutera le morceau d'ouverture qui s'appelle Lurid Human Extinction. Et puis après ça, on va s'écouter un tout nouveau groupe nantais qui promet beaucoup. Voilà, on s'appelle Mandibula, notre album s'appelle Self Devourment, nickel, vous avez toute mon attention. What to All, donc effectivement, récente formation de hardcore venue de Nantes. This World Was Never Made For Me, c'est le nom de leur première démo, ils appellent même pas ça un EP, il y a très peu de titres dessus, le truc fait à peine 10 minutes. Et putain, on est sur vraiment du death hardcore bien crado, la voix est absolument parfaite. C'est Hugo de Warsdopt qui a signé l'artwork, et on va s'écouter le morceau Virus, extrait donc de cette toute première prod studio pour What to Hall, Mandibula, What to Hall, toujours dans l'aspect française, et c'est ce qui nous permettra de la clôturer d'ailleurs, c'est parti. Let's do it. avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir que l'on va lancer avec Zompantli, avant-dernière nouveauté pour aujourd'hui. Une autre sortie, 20 Buckspin, faut vraiment qu'ils s'arrêtent de sortir des groupes qui métissent de plus en plus les musiques extrêmes. Non, c'est pareil, faut qu'ils continuent absolument. Formation californienne, mise sur pied par deux membres de Xibalba. Big O, qui est guitariste dans Xibalba, et Jason Bruns, qui est le batteur de Xibalba. Qu'est-ce donc Zompantli ? Eh bien, c'est un groupe Death Doom ethnique, sur les comment dire les oh bordel les civilisations précolombiennes et du coup préhispaniques et forcément axé autour du Mexique, hein, culture aztèque, etc. Zompantli, on s'est un petit peu amusé à regarder ce que ça voulait dire. C'est très chaleureux, hein. C'est un décorum tourné vers l'acceptation du tourisme, où le but du jeu, c'est d'empaler des crânes et d'en faire des rangées de pieux. Voilà, vous voyez les bouliers de comptables, les Mayas faisaient ça avec des crânes. Voilà, c'est très sympa. Ce second effort studio s'intitule Beating the Drums of Ancestral Force. C'est très ritualistique comme musique. L'artwork est très ritualistique, hein, et c'est une signature Adam Burke. C'est très très Burke d'ailleurs comme visu. Tous les titres sont en langue ancienne, hein, sur l'album, et voilà, on s'est pas amusé à traduire chacune des lignes, mais ça doit certainement décrire tout le rituel du Zompantli. Tetsa Yutl, c'est le titre qu'on s'écoutera, extrait donc cet album Beating the Drums of Ancestral Force. C'est un énorme pavé à s'écouter, hein, c'est hyper incantatoire. Ça passe tout seul cependant. Et en doublette, musique beaucoup plus concise, nous aurons Rust, formation hardcore Riken, qui nous sort là son... canadienne, surtout pas américaine, oulala, qui nous sort là une nouvelle prod studio, intitulée True Decline. Voilà, c'est colère, c'est hardcore, ça vient du Canada. Ça s'écoute tout seul, on s'écoutera le morceau Face Down. We'll be right back. C'est la fin de l'émission pour ce soir, on va s'écouter une toute dernière doublette avec une dernière nouveauté, Unallowed Deliverance tout d'abord, formation qui nous vient d'Allemagne, on est sur du Brutal Death avec une approche assez moderne, quelques gros relents Brutal Deathcore même, premier album longue durée Of Spectres and Strife. Un artwork plutôt soigné, plutôt vilain même, pas très cordial. Et voilà, 43 minutes de cette recette Brutal Death moderne, hein. C'est une bonne grosse tartine de violence, ce Unallowed Deliverance. Et en doublette et en clôture, on les retrouvera avec Horn. Et bah Horn, on va rester en Allemagne avec ce projet solo qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, qui vient de sortir un 10e album, donc très prolifique. C'est du Pagan Black qui mélange vraiment le côté rugueux du black, on va dire allemand, avec le côté plus épique et folk, voire mélodique du Pagan. Donc c'est vraiment un super mariage avec, là sur le morceau qu'on va s'écouter, un riff hyper entraînant et bah, bien addictif. Donc du coup, bah, on va se finir sur une petite doublette allemande dans deux registres très différents. On s'écoutera They Will Eat Us Raw de Unallowed Deliverance. Donc c'est vraiment bah, une bonne découverte pour nous. Et ensuite, le morceau Dage Tostaon de Horn. Voilà, sur ce, c'est la clôture de l'émission Le Banger de ce soir. Rendez-vous dimanche prochain pour une... non, pas dimanche prochain, c'est vrai qu'il n'y aura même pas du tout d'émission en différé pour cause de fin de béton, de Oka. C'est la fin de béton le week-end prochain, on abandonne tout. Et sinon, petit rappel, hein, dans un peu plus d'un mois, c'est le Ripfest, pensez à prendre vos passes. Je sais que tu m'écoutes et je t'embrasse. Allez, c'est parti, Unallowed Deliverance, Horn.